Septièmement, ils reprirent. Seigneur! Ce fut un noir moment. Les cris d'enfants surtout venaient à mon oreille, car dans cette nuit-là, gouffre où l'équité veille, la voix des innocents sur tout autre prévaut. C'est le cri des enfants qui monte le plus haut, et le vagissement fait le bruit du tonnerre. Seigneur! Seigneur! Seigneur! Justice pour la terre! Nous sommes les martyrs, nous sommes l'équité, la loi sainte, l'honneur, la foi, la liberté. Chassés par les brigands que là-haut on encense, nous sommes la vertu, nous sommes l'innocence que Satan forgeron frappe à coups de marteau. Nous sommes ceux qu'on a liés aux vils poteaux, ceux qu'égorgea le sabre et que perça l'épée. Nous sommes le sang tiède et la tête coupée. Nous sommes ceux qu'on jette aux chiens, ceux que la dent déchire, ceux qu'on brise et qu'on foule pendant que les vices lascifs et les crimes énormes au-dessus de leur front chantent, géants difformes. Nous crions vers vous, Père, ô Dieu bon, punissez, car vous êtes l'espoir de ceux qu'on a chassés, car vous êtes patrie à celui qu'on exile, car vous êtes le port, la demeure et l'asile. Les oiseaux ont le nid, et les hommes ont Dieu. Là-haut, le meurtre seul est libre. C'est un jeu d'égorger les vivants. Le droit n'a plus de base, et le bien et le mal, comme l'eau dans un vase, sont mêlés, et le monde est en proie à la mort. Au sud, on tue, on pend, on extermine. Au nord, on élargit le bagne, on élargit les fosses. On coupe à coups de knout le ventre aux femmes grosses. Le glaive a reparu hideux, comme jadis.